Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens aujourd'hui? Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens? Que font les gens? Mais que font les gens aujourd'hui? Je regarde les oies. J'arrête de parler de vous. J'arrête de parler de toi. Toutes ces photos prises au milieu des poules, à ton insu, pour des tableaux pense-toi à jeter dans la foule toutes ces faces idylliques. Obligation d'être nudiste. Chantier revolver. Tu sais, t'es indigène. Les babouins, les fermiers courent dans l'arène. Crier dans le vide, crier dans le vide, mais que les gens sont cons, mais que les gens sont cons, mais que les gens sont cons, mais que les gens sont cons, mais que les gens sont cons, mais que les gens sont cons, mais que les gens sont cons, que les gens sont compliqués, que les gens sont je suis parti hier de ma bonne plage. Il y avait l'eau de terre. Le sable me piquait en milliers d'aiguilles. Si seule cette femme couchée dans le sel, plainte de PD à te faire, à te faire, à te faire, à te faire, à te faire. Que font les gens? Mais que font les gens? Mais que font les gens? Mais que font les gens? Mais que font les gens? Que font les gens aujourd'hui? Aujourd'hui. Que font les gens aujourd'hui? Si je... ouais.